Bismillahirrahmanirrahim. Donc, comme convenu, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer la tarjama de l'ensemble de ces questions et réponses. Comme on a dit, ce ne seront pas forcément toutes. Donc là, en premier lieu, il y a une question qui a été posée, dont ne m'est pas apparu vraiment le sens d'une partie de la question. Lorsqu'il fut interrogé, Souhaira Cheikh, rahimahullah ta'ala, عما يقول بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب فهل هذا صحيح؟ Qu'il est interrogé que certaines personnes disent que le fait de rectifier les termes n'est pas important tant que le cœur lui reste pur, c'est-à-dire que la aqida elle est bonne, est-ce que cela est vrai? Dans le sens où l'auteur, le questionneur veut dire que en fait ce que tu dis sera pris en compte par rapport à ton intention. D'accord ? Ce que tu dis sera pris en compte par ton intention. Tant que ton intention elle est bonne et que ta conscience elle est bonne, alors ce que tu diras sera jugé en fonction de cela. Donc je passe un passage du shir qui ne m'a pas paru clair par rapport à la réponse, mais à la fin il a dit أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم ولا يمكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قولك كل شيء ما دامت النية صحيحة بل نقول الكلمات المقيدة بما جاء به الشريعة الإسلامية. Donc il a dit que le fait de ne pas se préoccuper des termes qui par exemple auraient un sens de kufr et de shirk, alors que nous on ne veut pas cela du fait qu'on a une bonne croyance, dit cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Même si ta niya elle est bonne et que ta croyance elle est bonne, les termes que tu emploies, eux, sont sous la régie des règles de l'islam. Ça veut dire que tu veux dire des paroles qui sont acceptées islamiquement parlant. Et ne pas dire tout ce que tu veux. Et ne pas dire tout ce que tu veux. Car cela ouvrirait une porte à un grand mal. D'ailleurs, parenthèse, justement, beaucoup de choses présentes dans les gens du livre, ou dans leur livre, ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui, viennent de ce résultat-là. Qu'ils ont changé les termes, et de fil en aiguille, cela arrivait à prononcer de la mécréance, alors que leur but, si tu leur demandes, ils disent « Non, je ne veux pas la mécréance, moi, quand je dis ça, je veux dire telle et telle chose. » On dit, à partir du moment où le terme prononcé est interdit, on ne regarde pas ton intention. L'intention n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la parole que tu as dite. Et si la parole a été prononcée et qu'elle est interdite, alors il en vient un jugement. Un exemple que je vous donne, une chose qui n'est pas interdite forcément, mais dont le terme est pris en compte, le divorce. Un homme qui dirait à sa femme, anti taliq, c'est-à-dire tu veux divorcer, le fait qu'il ait prononcé, le divorce est effectif. Après lui dirait, mais je n'ai pas voulu le dire, j'ai dit ça en plaisantant, ou j'ai dit ça comme ça. On dit non, à partir du moment où tu vas prononcer un divorce qui est clair et évident, celui-ci il a lieu. On ne regarde pas ton intention à ce moment-là. Pourquoi? Car la chose elle est claire. Par exemple. Et ça c'est dans plein de sujets pareils. Donc on ne regarde pas forcément l'intention, on ne juge pas la parole par rapport à la croyance de la personne, mais on juge selon la parole du terme. S'il est interdit, on dit que c'est interdit. Et si jamais cette parole amène un jugement, alors on applique le jugement, même si toi tu ne l'as pas voulu. هذا الذي أراد الشيخ في هذا السؤال تقريبا. نعم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.